Montez le volume. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bonjour à tous, bienvenue sur Studec Web dans votre émission Retour au premier virage. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un très grand commentateur de Formule 1, Julien Febvre. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous. Il faut le dire, on vous reçoit entre deux grands prix. Votre emploi du temps très très chargé. Autour de la table, nous avons aussi Victor Mégenc ainsi que Philippe Olgado. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour Adrien, bonjour Julien. Bonjour messieurs. Une petite heure avec vous tous où nous allons décrypter une grande partie de la Formule 1. Tout au long de ce rendez-vous, différents points, nous évoquerons bien évidemment votre grande carrière depuis la fin du Studec, l'avant, le pendant et l'après, ainsi que les opportunités que vous avez eues. Un programme très chargé, mais il sera tout aussi important de débattre sur l'aspect écologique, économique et politique de la F1. Un très grand challenge pour ce sport automobile. Nous reviendrons aussi sur des dates marquantes de l'histoire récente de la Formule 1, comme le 5 juillet 2020 ou encore le 15 novembre 2020. Plus tard dans l'émission, nous aurons l'occasion de débattre de l'expansion du calendrier et surtout, est-ce qu'il y a eu une évolution du public tout au long de ces années de F1 ? Nous ne vous en dirons pas plus. Pour l'instant, c'est parti. Retour au premier virage. Avant de rentrer à fond dans votre domaine qui est la Formule 1, il faut que nos auditeurs vous découvrent. D'où vient cette passion ? Alors la passion, elle s'est faite en deux temps. J'ai d'abord la passion du sport automobile par mon papa, qui était pilote automobile amateur, mais qui évidemment m'a emmené avec lui sur ses courses. Et donc quand vous avez, 7, 8, 10 ans ou même un peu plus, bien quand ça devient votre environnement, je pense que c'est comme les gamins qui vont jouer au foot le dimanche matin, la passion elle naît comme ça. Donc moi elle est née sur des courses automobiles. J'ai couru autour des voitures de course et des camions et des choses comme ça avec d'autres enfants qui aujourd'hui sont mes adversaires sur les courses de rallycross parce que mon papa roulait en rallycross donc aujourd'hui je rencontre ces mêmes autres fils de pilotes comme concurrents et la passion de la Formule 1 elle est venue ensuite un peu plus tard quand j'avais à peine 10 ans parce que j'ai découvert ça à la télévision. C'est le moment où Michael Schumacher était en train d'éclore et de devenir la star qu'il a été et la légende qu'il reste évidemment pour des millions de gens. Et c'est vrai que j'ai suivi son parcours. Moi, je me suis mis à m'intéresser à la F1 au moment où lui y arrivait. Et j'étais fasciné par ce personnage dont on disait qu'il avait moult talent. Donc voilà, pour ce qui est du sport automobile, c'est venu comme ça. Et un jour, j'ai eu la chance d'aller découvrir en vrai un Grand Prix sur le terrain, en tant que spectateur, bien sûr. C'était à Manicourt, c'était le Grand Prix de France. Et ça a été une révélation absolue. Et dans le sens où avant ce week-end-là, je voulais être kinésithérapeute. Okay. Et le lundi matin, après ce Grand Prix, c'est pas que je voulais travailler en Formule 1, j'allais travailler en Formule 1. Alors ça peut paraître prétentieux de le dire comme ça, mais c'était pas du tout de la prétention, c'était une certitude que j'avais dans le corps, j'allais travailler en Formule 1. Ce que je venais de vivre et de voir pendant ce week-end, je refusais que ce soit une fois par an, les meilleures années, je voulais que ce soit tous les jours de ma vie. Et donc, à partir de cet instant, vraiment, ce lundi-là, j'ai dit, Julien, tu vas travailler en Formule 1. Ça, je savais pas comment. Je savais bien que je serais pas pilote, je savais bien que je serais pas ingénieur, mais il fallait que je trouve une façon d'y aller. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas le journalisme? Et à l'époque, j'avais un copain à moi qui était à l'école en Bretagne, qui avait une plaquette du Studec. Et qui m'avait montré cette plaquette, je l'ai encore, parce que ça, c'est une relique précieuse. Et je fantasmais, comme certains fantasment sur certaines pages de La Redoute, moi je fantasme sur la plaquette du Studec où je voyais les studios, les intervenants, la signature de Michel Drucker en première page parce qu'il est le parrain de l'école. Et je dis mais c'est quoi cet endroit hallucinant quoi. Et je me suis dit attends, il faut que j'essaye de rentrer dans cette école. Je me suis projeté en fait, je me suis dit mais le journalisme, ce serait tellement génial. Je voyais bien que je savais parler, que je m'en sortais bien à l'oral, que j'arrivais à capter un peu mon auditoire le lundi matin dans la cour de récré après les week-ends de Grand Prix. Et donc c'est comme ça que je me suis orienté vers des études de journalisme et que je suis venu faire le Studec. Donc le Studec en 2001, c'est ça ? Oui, absolument. 2001-2003, parce que c'est en journaliste, c'était 2 ans, maintenant c'est 3 ans. C'est ça, exactement, 2 années. Durant cette formation, j'imagine, des stages ? Oui. RMC, entre autres ? RMC, c'est un truc de fou. Silvio Marchion m'appelle un jour dans son bureau. Moi, j'ai Honnêtement, je vais pas me jeter des fleurs, mais j'étais démerde pour les stages. C'est-à-dire que dès que je suis arrivé à Paris, il a fallu payer le loyer, le petit studio à 800 euros. Voilà, bref, tous les élèves connaissent à peu près ça. Et donc, fallait bosser. Donc, je travaillais le matin dans une boîte de prod qui caste du public sur les émissions de télé. L'après-midi, j'étais en cours. Je trouvais des stages. Mais un jour, Monsieur Martial m'appelle dans son bureau et me dit « Julien, pour votre stage d'été, donc entre les deux années, stage d'été obligatoire, si j'étais vous, je contacterais RMC. » Et RMC, à l'époque, c'est pas du tout la radio qu'on connaît aujourd'hui. RMC, ça vient d'être acheté par Alain Veil. Ça fait quasiment aucune audience. Il y a très peu d'émetteurs. Donc, moi qui viens de Bretagne, en Bretagne, il n'y avait pas d'émetteurs pour RMC. Donc, c'était une radio du Sud qui repartait quasiment de zéro et qui venait d'être achetée par Alain Veil. Donc, moi, je ne connais pas la radio, cette radio-là à ce moment-là, bien. Et il me dit, Julien, si j'étais vous, je tenterais ma chance à RMC. Donc, j'appelle la personne responsable des stages à RMC qui me reçoit. Et qui me fait visiter les tout nouveaux locaux d'RMC. À l'époque, ils étaient le long du périphérique rue d'Oradour-sur-Glane. Et me fait visiter la rédac. Donc tout est neuf, c'est grand, c'est magnifique. Donc je suis déjà très impressionné. Et me laisse et me dit bah, je vous laisse un peu en régie regarder l'émission là en cours. Et puis je reviens vous chercher tout à l'heure. Et il est 14h et c'est Brigitte Lahaye qui est à l'antenne sur RMC. Donc moi, le petit provincial qui découvre qu'on peut parler de sexe, d'amour à 14h. Je me dis, mais c'est quoi ici? Et je me dis, mais pourquoi Monsieur Martian m'a envoyé à RMC? Et il revient me chercher, ce monsieur-là. Et il me dit, mais vous savez qu'on a la Formule 1? Et je dis, bah non, je savais pas. Donc déjà, première erreur, je vous le dis, hein, se pointer pour un stage dans une radio où vous n'avez pris aucun renseignement, ça aurait pu, moi, me coûter ma carrière sur cette seule question. Mmh. Le monsieur me demande si je suis au courant qu'ils ont la Formule 1, et moi qui prétends connaître bien la Formule 1, je ne suis pas au courant qu'ils l'ont. J'aurais été à sa place, honnêtement, je me serais foutu dehors. Lui, il ne l'a pas fait. Ils m'ont gardé en stage. Et ce stage, au lieu de durer 2 mois, il a duré 1 an jusqu'à la fin de mes études. J'ai eu mon diplôme en juin 2003. Et ils m'ont engagé à la sortie du Studec. Donc, j'ai passé 1 an en stage et voilà. Justement, à propos de ce stage à RMC, M. Marchion, directeur du Studio École de France, s'est exprimé. Écoutez. Moi, je me souviens d'une chose qui a beaucoup marqué Julien, parce que ça a déterminé beaucoup de choses pour lui, particulièrement sa carrière. L'année où il a fait sa première année, en juillet, il est venu me voir pour m'annoncer qu'il souhaitait changer de stage et d'aller ailleurs parce qu'il avait fait le tour. Et j'ai pas voulu qu'il s'en aille. Je lui ai donné mes arguments et je lui ai dit RMC, c'est la radio du sport automobile. C'est là qu'il faut que vous soyez pendant 2 ans, le temps que ça dure, tant qu'ils veulent que vous soyez là. Restez, je pense qu'il y aura un avenir après. Et justement, un avenir qui va devenir très intense pour vous, puisque vous allez avoir votre chance de pouvoir commenter les Grands Prix. Comment vous avez abordé justement ce tournant dans votre carrière? Ben, en fait, je suis la preuve que il ne faut vraiment jamais rien lâcher. Moi, j'avais aucun piston, hein, je connaissais personne dans ce milieu-là, ni ma famille, ni des amis. Donc, je veux dire, j'ai pas été aidé plus que la volonté que j'avais et le travail que j'y ai mis. Pour revenir quand même sur les propos de Monsieur Martian, c'est vrai qu'à un moment donné, je me demandais à quoi ça servait parce que je n'étais pas du tout en stage sur la Formule 1. J'étais en stage sur d'autres choses très intéressantes qui m'ont appris à monter des sons, à savoir écouter, monter une interview, etc. Je réceptionnais des sons en cabine le soir parce qu'on n'avait pas nos moyens actuels de réception des sons et il fallait un monteur cabine et je faisais ça. Donc c'est vrai que c'était pas ultra épanouissant, même si j'ai appris beaucoup de choses en faisant ce poste-là, mais ça touchait pas directement à la F1. Et à un moment donné, j'étais aussi fatigué, épuisé, que j'avais les cours le matin, je pense de 10 à 14, ça devait être à peu près ça le créneau des deuxième année. De 16h à minuit, j'étais à RMC en stage. Et de minuit à 6h, j'étais sur Autoroute FM parce que c'était ma seule source de rémunération pour payer mon loyer. Donc je faisais des minuit 6h, j'allais dormir 2h dans mon tout petit studio à côté du Studec et je revenais à 10h en cours. Donc il y a eu une période de 6 mois où ça a été ma vie. Vous êtes épuisé, rincé et vous n'êtes pas encore arrivé à votre objectif. Mais il faut tenir, c'est ce que me disait Silvio, il faut tenir. Et effectivement, un jour, les planètes s'alignent. L'envoyé spécial qu'on avait sur les Grands Prix sur RMC nous dit « Moi, je pars sur un autre projet. » Et là, la place s'est trouvée libre. Et Alain Veil, Franck Lanou, d'autres personnes de la rédac, François Pesenti, m'ont dit « Ok, on te donne ta chance sur 2 Grands Prix. » Je suis parti sur le terrain. Et puis finalement, après quelques petites péripéties, mais pas grand-chose, j'ai eu la place de journaliste commentateur sur le terrain. Mais alors justement, comment on gère cette chance? Parce que l'émotion, elle doit être énorme à ce moment-là. Mais il faut la contenir, en fait. Parce que à la fois... c'est, vous avez l'impression que c'est la chance de votre vie, et ça l'était. Et faut pas la cramer, quoi. Moi, j'avais jamais fait, à part Autoroute FM, j'avais pas fait d'antenne de commentaires sportifs à l'antenne. Donc, j'avais ma passion pour moi, j'avais mon envie de bosser, mon envie de tout donner, mais ils m'avaient pas testé sur le commentaire. Et donc, bah, là, vous partez sur deux grands prix, je me souviens, Malaisie et Bahreïn, et vous, bah, le bac à côté, c'est de la rigolade, quoi. C'est, vous savez que vous jouez, votre vie, ça fait un peu dramatique de dire ça, mais vous jouez gros, et finalement, bah, ça l'a fait. Et en fait, pour la petite histoire, ils avaient trouvé, moi j'avais accepté un autre gros poste dans la maison de coordinateur d'antenne, donc un peu un giratoire de la radio où tu interviens avec plein de services différents. Et ils m'avaient dit, écoute Julien, t'as accepté ce poste-là, nous on a besoin de toi à ce poste, ok, tu vas faire deux grands prix, mais on va sans doute trouver un autre journaliste après, quoi. Okay. Effectivement, ils en ont trouvé un, mais qui a fait quatre grands prix, finalement ça l'a pas fait, et donc là ils sont venus me voir, et Alain Veil m'a dit, écoutez, c'est pour vous, définitivement, c'est vous qui êtes notre envoyé spécial. Donc moi, à un moment donné, j'ai cru que j'avais eu deux grands prix dans ma vie, je me suis dit, bon, ce sera mes deux seuls grands prix, mais au moins je l'aurais fait, et puis finalement ça a duré, j'en suis à presque 350 aujourd'hui. Et alors le premier grand prix justement que vous faites, et les, ouais, les deux premiers, vous êtes tout seul ou déjà, oui, en binôme ? Alors, à l'antenne, on est trois, mais moi, je suis tout seul sur place. C'est-à-dire qu'à Paris, vous avez Alexandre Delperrier et Patrick Tambay, notre regretté Patrick Tambay, qui sont en studio à Paris ou à l'atelier Renault sur les Champs-Élysées, parce que le dimanche, ils commentaient de l'atelier Renault. Et moi, j'étais sur le terrain tout seul. Mais je partais avec une énorme pellicase de 80 kilos de matériel, parce qu'il y avait une HF dedans, des antennes, j'avais un tube. Enfin bref, c'était un délire complet. Il fallait que je monte sur le toit des cabines de commentaires, installer moi-même mon matos. Une fois, je suis passé au travers du plafond en plâtre au Brésil. Je me suis retrouvé dans une gaine de ventilation. Enfin, des histoires pas possibles. Mais je n'ai pas pu mieux me former au terrain qu'à RMC, parce que c'était une radio où c'est toujours, je pense, une radio où on donne la chance aux jeunes. Par contre, voilà, faut avoir faim, faut mordre dedans, quoi. Cette relation après que vous allez développer avec le binôme, elle est hyper importante. On voit la relation que vous avez avec Jacques Villeneuve actuellement, qui dure depuis 10 ans. Ouais. Cette relation avec Patrick Tambay, Elle vient naturellement ou elle se travaille ? Oui, bah en fait, moi, avant de partir sur le terrain, à RMC, en plus de mon stage, en plus de tout ce que je pouvais faire, évidemment, je venais le week-end pour les Grands Prix. Donc, j'étais en régie le week-end, alors qu'on ne me demandait pas ça, mais moi, c'est ce que, oui, je voulais faire. Donc, je suis devenu la petite main de Patrick et d'Alex pour préparer plein de choses, pour être là la nuit quand il y avait des Grands Prix à l'autre bout du monde. Eux n'étaient pas là forcément pour regarder les essais libres. Moi, j'étais là, je leur faisais des résumés de séances. Quand ils arrivaient, le studio, il était nickel, il y avait un petit dossier avec les déclarations des pilotes, les chronos, tout ça. Enfin, donc ils ont vu à quel point je voulais absolument faire ça. Donc le jour où il y a une possibilité, aussi bien Alex que Patrick, bah, ils ont poussé pour moi, parce qu'ils savaient, ils avaient vu, et donc c'était mes meilleurs ambassadeurs entre guillemets pour dire, allez, faut donner sa chance à Julien, quoi. Donc je leur dois énormément, et Patrick et Alex, ce sont mes parrains dans ce métier, parce qu'ils m'ont donné ma chance, ils ont cru en moi. Il y a plein de gens qui m'ont donné ma chance. Alain Veil m'a donné ma chance, François Pesenti m'a donné ma chance. Donc mais voilà, je voulais pas les décevoir, et je voulais leur dire, vous avez eu raison de miser sur moi, quoi. Et alors, pour ceux qui nous écoutent, il faut le dire, vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les coulisses. Oui. Est-ce que déjà, chez RMC, vous avez cette opportunité de pouvoir rencontrer les personnes qui composent ce paddock de F1, ou ça vient après ? Non, ça vient un peu après. C'est-à-dire que je me souviens, en 2004, on m'a envoyé, à la fois pour me faire plaisir et pour me tester un petit peu, sur le lancement de la Renault, à l'époque, qui se faisait sur l'île de Palerme, et ça avait été un voyage assez hallucinant, mais on m'avait envoyé sur le terrain. Donc là, je découvrais, parce que c'est vrai que quand on est jeune et qu'on n'a pas l'expérience, ce qui est normal puisqu'on est en train de se former, on ne sait pas comment fonctionnent les choses. Donc on a notre passion, on a nos connaissances, on pense tout connaître d'un sport. Moi, je pensais tout connaître de la F1. Et puis un jour, on vous envoie sur le terrain et vous dites, ah ben ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais. Et là, vous découvrez véritablement ce qu'est l'univers qui vous passionne. Et donc, bah, personne ne vous connaît. Moi, j'étais très jeune. Quand je suis parti sur mes premiers Grands Prix, j'avais 21 ans ou 22 ans. Okay. Donc, je me laissais la barbe pousser exprès pour essayer de me vieillir un peu, parce que je voulais essayer d'être crédible. Puis je savais que je serais crédible par mon travail, par mon assiduité. Pareil, quand vous débarquez dans un paddock, il y avait d'autres radios à l'époque qui couvraient les Grands Prix, RTL et Europe 1. Évidemment que quand j'allais au point presse avec mes deux confrères d'RTL et Europe 1, j'étais pas le premier à tendre le micro et à poser des questions. Absolument. Vous faites profil bas, vous vous mettez dans l'aspiration, on va prendre des références F1. Mais bien sûr, il faut avoir, je pense, cette intelligence de dire, ok, j'arrive, ne te prends, alors ça vaut à n'importe quel âge de la vie, ne pas se prendre pour qui on n'est pas, rester à sa place. Franchement, je l'expérimente depuis longtemps maintenant, et vraiment ça marche, savoir rester à sa place. Bien faire déjà ce qu'on vous demande dans la, entre guillemets, la case qu'on vous a attribuée. déjà bien maîtriser cet espace-là et bien faire son boulot. Après, proposer ses services pour d'autres choses, pousser un peu les murs. Mais déjà, en sachant rester à sa place, en étant travailleur et surtout pied sur terre, normalement les choses, quel que soit le domaine, moi je parle de la F1, mais quel que soit le domaine, les choses doivent quand même bien se passer. Mais justement, vous évoquiez tout à l'heure vos confrères d'Europe 1. À partir de 2009, c'est Europe 1 qui obtient les droits de retransmission. Comment s'est passée la transition entre les deux stations? Pas simple, honnêtement pas simple pour moi, mais ça a été une expérience. Europe 1 voulait me faire venir, Alex Delperrier était déjà parti là-bas. La transition, elle n'a pas été bien gérée, je l'ai beaucoup regretté. Non pas d'être allé à Europe 1, parce que j'ai adoré mon expérience, mais la manière dont la transition s'est faite. Mais j'étais très jeune, j'étais tout seul pour gérer ça. Et c'est vrai qu'entre la manière dont on essayait de me faire venir à Europe 1 et à la fois il fallait pas que ça sache à RMC, ça m'a mis dans une situation très inconfortable. Ça m'a sur le moment fâché avec des gens à RMC, ce que j'ai beaucoup regretté. Et ça m'a quand même beaucoup servi le jour où je suis passé de l'équipe à Canal+, où non pas que ça aurait pu se passer comme ça, mais où j'ai été très vigilant, notamment alors que voulant bien faire, le patron des sports de Canal se proposait d'appeler mon patron à l'équipe. Et j'ai dit non, surtout pas, vous ne dites rien à personne, moi je vais aller le voir tout de suite, parce que, et j'avais pas encore accepté Canal, mais je voulais surtout pas revivre la brouille qu'avait créé mon passage de RMC Europe 1. Ça s'appelle juste expérience. Depuis, je suis plus fâché avec qui que ce soit, et tout a été mis à plat, et je pense aussi que les gens ont compris que je m'étais retrouvé un petit peu dans un étau. Mais donc voilà, la transition pas facile, et surtout pas facile professionnellement, parce que moi je suis quelqu'un d'extrêmement unsafe, très facilement. Je sais pas que je panique, mais j'aime pas trop le changement. J'aime bien mon petit confort. Et à RMC, j'étais dans le confort en fait. J'étais installé là depuis 7 ans, tout allait bien. Et là, il fallait que je me remette en question, que je quitte une radio où tout se passait bien pour partir dans un nouvel endroit. Et c'était très stressant, mais je savais aussi qu'il fallait faire ce pas parce que je n'avais connu que RMC et que à un jeune âge, il faut aussi vivre plusieurs expériences pour apprendre différentes choses et ne plus être perçu comme le stagiaire. Parce qu'au bout de 7 ans, il y avait encore pas mal de personnes à RMC qui me voyaient comme le stagiaire, alors que ça y est, j'étais employé de la maison, je partais sur les Grands Prix et ça m'embêtait un petit peu. Donc je me suis vraiment forcé, un petit peu poussé au derrière pour aller à Europe 1 parce que intérieurement, ça me faisait beaucoup stresser, mais je pense que j'ai pris la bonne décision d'aller voir autre chose, d'aller vivre une autre expérience à cette époque, donc en 2009 et 2010. Là-bas, vous étiez avec Alexandre Delperrier, mais vous avez aussi commenté du coup avec Alain Prost, quadruple champion du monde. Qu'est-ce que ça a fait la première fois quand on commentait un Grand Prix avec lui? C'est fou parce que moi, j'en ai pleuré de joie de monter à côté d'Alain lorsqu'il faisait le trophée Andros, donc les courses sur glace. À une époque, il y participait. Il a d'ailleurs remporté le trophée Andros avant que la saison débute. Lui aussi. Il y avait une possibilité, il y avait une soirée pour les médias et RMC m'y avait envoyé et j'avais pu monter en passager d'Alain Prost. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est comme un fan de foot à qui on dit tiens, tu vas faire quelques dribbles et quelques passes avec Kylian Mbappé. Quoi. Ouais. Ça n'a aucun sens, ça n'est pas réel. C'est un moment magique. Voilà. Donc moi j'avais une émotion énorme de me dire ouais, c'est dingue, tu te rends compte, c'est presque, je peux mourir tranquille, pas loin. Quoi. Donc du coup, de savoir maintenant que sur un aspect 100% pro, j'allais être aux côtés d'Alain Prost et de partager l'antenne avec lui, ouais, c'était formidable. Et depuis, voilà, on a créé une bonne, super relation avec Alain. On est évidemment plus proche. À l'époque, moi j'étais un tout petit jeune quand même, qui débutait, même si je débutais pas complètement. J'avais déjà fait 4 saisons sur le terrain, mais voilà, c'est toujours très impressionnant de pouvoir être associé à des légendes. Et vous avez fait 2 saisons à Europe 1. Est-ce que vous avez un souvenir particulier de cette période? J'en ai plein des souvenirs à Europe 1. Je me souviens, c'est un souvenir qui n'a rien à voir avec la F1, tiens, pour le coup. Mais je me reprojette dans la rédaction d'Europe 1, qui à l'époque était rue François 1er. Et je me souviens que j'étais en matinale, je présentais des journaux entre les Grands Prix, journaux des sports de matinale, et que j'avais fait de la matinale où on avait appris le décès de Michael Jackson. Et fallait voir l'effervescence dans la rédac. Marc-Olivier Fogiel à l'époque était à Europe 1. Et j'ai vu pour la première fois comment on gérait une information d'envergure mondiale. Alors c'était pas le 11 septembre, bien sûr, mais c'était un énorme événement quand même. Et j'ai vu tout ce matin-là le bazar que ça mettait dans la rédaction. Enfin, c'est pas le bazar, mais voilà, l'effervescence autour d'une news énorme Je me souviens qu'on avait appelé Céline Dion, mais ça a été un casse-tête pour l'avoir. Elle était dans sa voiture avec René. Enfin, c'était un sketch, quoi. C'était, enfin, je sais pas, c'est cette matinale qui me revient. Voilà. Mais après, que des bons souvenirs à Europe 1, évidemment. Et alors après, on passe à l'équipe. Oui. Quel changement d'univers complet. Alors, vous disiez que la transition entre RMC et Europe 1 avait été assez compliquée. Voilà. Celle de la presse. En plus, vous arrivez chez l'équipe, qui est le journal par excellence du sport en France. Oui. Europe 1 arrête la F1 au bout de deux saisons. Donc moi, honnêtement, j'ai pas vocation à faire du football. C'est pas mon domaine, ou d'autres sports. Enfin, j'aurais pu apprendre d'autres sports, mais moi, j'étais vraiment un spécialiste de sport auto. Donc bon, d'un commun accord, on se dit, écoutez, on n'a pas d'intérêt à continuer la collaboration. On va pas s'apporter quoi que ce soit l'un et l'autre. Et j'étais d'accord avec ça. Et c'est l'équipe qui m'appelle, le patron de l'équipe, Fabrice Jouot, qui me dit, moi, je voudrais bien que tu viennes à l'équipe. Et là, j'y ai. On se connaissait un tout petit peu avec Fabrice. On s'était croisés sur des grands prix. Et je dis, mais à mon avis, tu fais une énorme erreur. Et il me dit, bah déjà, ne m'insulte pas, parce que laisse-moi faire mes propres choix si ça ne t'ennuie pas. Mais c'est vrai que moi, j'avais plutôt tendance à me dévaloriser. Mais là, pour le coup, j'étais sûr de moi. Je dis, Fabrice, je n'ai jamais écrit. Et je me souviens de sa phrase. Il me dit, si tu écris comme tu commentes, ça ira très bien. Je dis, ouais, mais enfin, quand même, l'écriture presse écrite, c'est pas du tout une écriture de radio. Et je me suis mis dans. Et puis, de toute façon, c'était ça où j'avais pas grand chose à faire. Hein, donc, il m'a donné ma chance. Et effectivement, au début, c'était laborieux. Donc, au début, un petit papier d'un feuillet, c'était le bout du monde. Et puis, bah, progressivement, déjà, il faut apprendre à se détendre. Et j'avais beaucoup de mal avec ça. Et puis, à se faire confiance. Mais vous dites, ouais, mais je signe dans l'équipe, quoi. Donc, tout le monde lit l'équipe. Et puis, bah, vous apprenez à délayer un peu tout ça, à désencombrer votre écriture, et puis à trouver, à la fin, je vais dire, votre style. En tout cas, à poser les mots comme vous entendez qu'ils soient, quoi. Et c'était une super expérience de la rigueur, la rigueur de la presse écrite, le fait d'aller chercher plein d'éléments pour constituer son papier, c'était super intéressant. À la fin de l'expérience Europe 1, à l'époque, c'est TF1 qui a les droits de diffusion de télé. Oui. Est-ce que vous aviez songé peut-être à rejoindre TF1 pour, à cette période-là, ou c'était vraiment radio ou presse écrite ? C'était, en tout cas, à ce moment-là, ça n'était que presse écrite, d'autant que tout se passait bien à l'équipe. Je venais de faire donc 2 ans. Ils m'avaient envoyé sur le Dakar, qui est la chose la plus difficile à couvrir en presse écrite, parce que le décalage horaire, à l'époque, c'était en Amérique du Sud. Donc, le décalage horaire était ultra défavorable pour la presse écrite, parce qu'il fallait rendre les papiers très tôt, alors que les spéciales n'étaient pas finies. Donc, je travaillais quasiment avec une journée d'avance. Et c'était franchement le test ultime de savoir si je continuais en presse écrite ou pas, et que j'avais réussi à relever. Et l'équipe venait d'acquérir un canal de TNT. Donc, ils avaient plein de projets pour moi, en télé, toujours dans le journal. Tout se passait bien. Donc, honnêtement, moi, je me projetais pas du tout en télé ou en radio. Ça se passait vraiment super bien avec l'équipe. Il y avait plein de projections d'avenir. Donc, non, j'étais absolument pas dans l'optique ni de postuler, ni de m'imaginer ailleurs. Est-ce que vous avez reçu à l'équipe, justement, vous avez reçu des conseils, par exemple, de Frédéric Ferré, peut-être ? Est-ce que ça vous a aidé ? Est-ce que vous en avez eu besoin ? Est-ce que vous l'avez demandé ? Alors oui, j'ai toujours été demandeur de corrections et de conseils. Effectivement, Frédéric Ferret est l'une des signatures de l'équipe. C'est un très bon ami surtout. Et à l'époque, Anne Gentini était l'une des et la journaliste qui m'avait fait venir avec Fabrice Jouot dans le service. Et donc Anne est une plume extraordinaire de ce journal. Était une plume parce qu'elle a pris sa retraite depuis. Mais et c'est vrai que Anne, mais également Fred, je leur demandais de relire mes papiers. Et surtout d'y aller franchement, quoi. De me dire, attends, si c'est nul, vous me le dites. Si vraiment c'est. Enfin, dites-moi tout. Je veux pas entendre dire, ah, c'est encourageant. Non, mais c'est. Non, c'est pas ça que je veux entendre. Je veux savoir ce qui ne va pas. Il y a forcément plein de choses qui ne vont pas. De moi-même, je me rendais compte. Donc, je lisais beaucoup. J'étais pas un gros lecteur avant, hein, je vais être honnête. Là, quand vous êtes dans ce milieu-là, vous vous mettez à lire ce que font vos petits camarades. Comme nous, en tant que commentateurs, on écoute ce que font nos camarades en télévision, en radio, parce qu'il y a des choses super intéressantes à écouter chez nos confrères. Bah là, vous vous mettez à lire et vous vous rendez compte que vous pouvez faire beaucoup mieux, quoi. Donc juste après Canal+. Oui. D'ailleurs, M. Marchand s'est exprimé à propos de ça. Et quand il y a eu le casting Canal+, il est venu me voir pour me dire qu'il avait fait un casting et qu'il croisait les doigts pour être pris à Canal+. Et quand je l'ai rappelé, je lui ai dit, bah, ça sera toi, mais je n'ai pas le droit de te le dire puisque personne ne le savait. Est-ce que c'était un rêve ? Expliquez-nous un peu vos débuts dans ce groupe. Alors, en fait, le casting, c'est... Moi, je n'ai pas postulé au casting. On est venu me chercher à Canal. J'avais, je m'étais toujours dit, et je l'avais promis à l'équipe, mais qui m'avait rien demandé du tout, mais je me l'étais promis à moi, je savais ce que je devais aller au journal de l'équipe, je savais ce que je devais aux gens de ce journal, et je m'étais dit, et je leur avais dit, même si la F1 change de maison pour ce qui est de la télévision, je ne postulerai pas. Je ne m'interdis pas de regarder si on me propose, mais je n'enverrai pas de candidature. Et donc, c'est vrai que le 14 février 2003, on a appris que c'était Canal qui avait les droits. Et je n'ai pas de toute façon eu le temps de postuler et je ne l'aurais pas fait. C'est Canal qui m'a appelé le jour même. Ils m'ont appelé en disant, est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce qu'on peut se voir. Donc, il y avait une volonté, je pense, de Canal de me prendre. Mm-hmm. Mais ils devaient aussi respecter tout un processus de candidature, ce qui est logique. Mm-hmm. Hein. Donc voilà. Donc, j'avais passé beaucoup d'entretiens. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai appelé Silvio en lui disant, voilà, il y a visiblement une fenêtre de tir, oui, qui est incroyable. Et à la fois, j'étais très mal, je me sentais très très mal en me disant, mais on est à moins d'un mois du premier Grand Prix. Si je dis oui à Canal, ça veut dire que je quitte l'équipe. Et je me sentais tellement mal vis-à-vis d'eux. Et encore une fois, c'est ce jour-là que le patron de Canal m'a dit, est-ce que vous voulez que j'appelle le patron de l'équipe? Et j'ai dit, non, vous appelez personne, je vais appeler mon patron. Et le soir même, je suis allé le voir à l'équipe. Je me souviens, il faisait nuit, on était quelques jours après le 14 février, autour du 20. Et il m'accueille dans son bureau. Moi, je fais une tête, j'ai une chape de plomb de 3 tonnes sur les épaules parce que je viens de discuter avec Canal. Je sens quand même qu'il y a des chances que ça se fasse. Mmh. Et donc, il va falloir lui dire que je vais sans doute partir, quoi. Et lui, je sais pas si quelqu'un l'a prévenu ou simplement s'il sent bien ce qui s'est passé. Et quand je rentre dans son bureau, il a un énorme sourire. Moi, je suis à deux doigts de pleurer. Et il dit, bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Et je dis, mais pourquoi tu souris comme ça? Il me dit, bah, tu crois que je sais pas pourquoi tu viens me voir? Je dis, quelqu'un t'a appelé, j'avais peur que. Il me dit, non, mais je sais très bien pourquoi tu viens me voir. Et je dis, mais pourquoi? Il me dit, non, je veux que ce soit toi qui me le dise. Je dis, bah, en fait, j'ai été appelé par Canal. Et il me dit, mais c'est quoi le problème? Bah, je dis, tu te rends compte, si jamais j'y vais, je vais vous quitter. Il me dit, mais arrête tes conneries. Et il me dit, mais non seulement c'est génial, mais tu vas y aller. Je te fous dehors. Si tu n'y vas pas, te fous dehors. C'est direct. Je dis, mais tu te rends compte la situation? Il me dit, mais attends, tu nous dois. Il me dit, tu ne nous dois rien. Je dis, mais je vous dois tout. Il dit, non, nous, on est heureux d'avoir bossé avec toi. On est super fiers que Canal t'appelle parce que pour nous, c'est une fierté. Laisse-nous encore. Il me dit, laisse-nous être fiers de toi et d'être heureux pour toi. Et il me dit, mais évidemment que tu vas y aller. Il a eu des mots extraordinaires. Et je pense aussi qu'à ce moment-là, l'expérience transition RMC Europe 1 m'a aidé à mieux gérer tout de suite en allant le voir en disant voilà la situation. Il me dit, mais. Et il me dit, et on va fêter ça. Je dis, bah non, je vais quand même pas fêter mon départ. Il me dit, mais et comment on va fêter ça avec toi? Donc voilà comment ça s'est passé. Cette saison 2013 débute, premier Grand Prix en Australie. Oui. De ce que je crois me souvenir, vous êtes assez mécontent de votre première performance pour le premier Grand Prix avec Jacques Villeneuve. Bah oui, parce que, enfin pas Jacques, hein, mais de moi. Oui, parce que j'avais pas commenté depuis 2 ans, donc j'avais fait 2 ans de presse écrite, donc mes derniers commentaires remontaient à Europe 1. Et donc j'étais très excité de refaire du commentaire, sauf que naïvement j'ai cru que c'était comme du com radio quoi. Et pas du tout, pas du tout. Il y a de l'image en télé. J'ai découvert qu'il y avait de l'image en télé. Pas mal. Ouais, intéressant. Hein. Et du coup, le premier Grand Prix c'est le méga stress, hein, parce que t'as jamais fait de télé. Alors ça c'est l'effet télé, c'est-à-dire que les gens te découvrent à la télé. Tu n'existais pas avant. On dit vous venez d'où ? Bah, ça fait quand même 4, 5, 6, ça fait 8 ans que je travaille sur la Formule 1. Vous n'existez pas avant. On ne sait pas ce que vous avez fait avant. Bah, je sais pas. J'ai signé 2 ans dans l'équipe. J'ai fait 8 ans. J'ai fait 6 ans de radio sur la F1. Donc voilà. Donc les gens te découvrent. Évidemment, on te juge hein, tout de suite. On regarde, on compare tout de suite. Évidemment, il y a des gens qui disent c'était mieux avant, ce qui est logique. C'est pas facile au début. Moi, j'ai pas un rapport non plus très aisé avec mon physique. Donc là, vous retrouvez devant une caméra, c'est pas du tout l'endroit dans lequel j'aime me retrouver. Et donc, je me souviens qu'au début, face caméra, avant le départ du Grand Prix, le réalisateur à l'oreillette me disait regarde ta caméra, parce que mon regard, sans m'en rendre compte, déviait de la caméra et je ne réussissais pas à regarder droit dans les yeux la caméra parce que j'étais impressionné. Donc premier week-end de Grand Prix, j'ai pas beaucoup dormi, honnêtement, j'ai beaucoup travaillé la nuit. Puis en plus, vous étiez en Australie. Et on était en Australie, et je me souviens que j'envoyais des messages au patron de Canal pour lui dire, je lui demandais des conseils ou j'échangeais. Il me dit, et je me souviens d'un de ces messages qui dit, j'aimerais bien que mon commentateur dorme. J'ai dit, oui, je vais dormir, mais il était 5h du matin là-bas, quoi. Et toujours est-il qu'après le premier Grand Prix, le soir, j'étais très déçu. Je suis souvent je suis souvent mécontent quand je sors de l'antenne. Et les gens de l'équipe savent que c'est c'est pas très utile de me parler, on va dire, allez, une demi-heure après qu'on ait rendu l'antenne. Il vaut mieux me laisser redescendre tranquille parce que souvent, il y a un truc qui m'a pas plu. Et alors, avec le temps, j'ai appris à le ranger rapidement pendant le direct, mais au début, ça m'affectait plus, quoi. Et donc, après le direct, j'ai envoyé un message au boss de Canal en lui disant je suis désolé, comptez sur moi pour faire beaucoup mieux la prochaine fois. Donc, je me suis tout de suite flagellé avant que lui le fasse. Et lui m'a dit mais désolé, de quoi ? Non, c'était très bien. Et je lui ai répondu non, c'était pas très bien, c'était très médiocre. Et je vais te prouver, je vais te le montrer dans les prochains Grands Prix et tu te rendras compte que celui-ci était mauvais. Voilà. Et comment se prépare justement un week-end de Grand Prix donc, vous arrivez sur place, vous êtes directement à l'hôtel ou vous allez directement dans le paddock, comment ça se prépare ? Alors la logistique, c'est quoi qu'il arrive, il faut qu'on puisse être dans le paddock le jeudi matin. C'est-à-dire que le jeudi, il n'y a pas de roulage des voitures, mais c'est une journée de préparation ultra importante pour nous. Moi, la préparation d'un Grand Prix commence au drapeau à damier de la précédente course. Donc le dimanche soir d'un Grand Prix, j'efface pas mal de trucs dans mon ordi et je rouvre un dossier pour le prochain Grand Prix et je me mets à accumuler des informations, des questions que j'aurais à poser à des ingénieurs ou des patrons ou des pilotes. Enfin, je commence mon travail de préparation. Donc c'est du travail continu, comme à l'école, c'est du contrôle continu. Et là, par exemple, entre le dernier Grand Prix de la saison dernière, donc Abu Dhabi, du lundi d'après Abu Dhabi jusqu'au jeudi soir du premier Grand Prix à Bahreïn cette année, tous les jours, j'ai collecté des infos, tous les jours, quasiment tous les jours, j'ai passé des coups de fil, etc. Et donc, je me suis retrouvé avec une bible de 82 pages d'informations que j'ai ensuite synthétisées. Wow. C'était déjà une synthèse, les 82, mais ensuite, je me débrouille pour les synthétiser en une ligne par info. Et j'ai cette bible avec moi dont je m'imprègne. J'écris beaucoup de questions pendant tout l'hiver. Dès qu'il y a des thématiques sur lesquelles je tombe, plein de questions que je me mets de côté et que je vais poser aux gens avant le premier Grand Prix de la saison. Hier, par exemple, j'ai passé une partie de la journée à Viry-Châtillon, en région parisienne, où sont faits les moteurs Alpine, les moteurs Renault de l'Alpine. Mmh. C'est moi qui, il y a quelques semaines, ai demandé au patron d'Alpine en disant « S'il te plaît, permets-moi de venir passer une journée avec vous. Il faut que je me remette à niveau sur les moteurs F1. » Donc hier, j'ai fait que ça. J'ai reçu, et j'ai de la chance, une masterclass de moteur F1 parce que je voulais me réimprégner de comment fonctionne le moteur, comment fonctionnent les batteries, les périphériques, tout ça. Je voulais à nouveau être à jour, quoi. Donc j'ai pu le faire. On a la chance d'avoir une écurie de Formule 1 française et qui a une base en France, en région parisienne. Donc ça, c'est mon métier. C'est d'accumuler en permanence de l'info. Et le jeudi, sur les Grands Prix, eh bien, si vous me suiviez, vous feriez, je sais pas, 10 km dans la journée de marche à pied parce que je vais d'équipe en équipe. Et dès que je vois quelqu'un que je connais, alors ce qui est génial, c'est qu'au bout de 19 ans, je connais quand même pas mal de monde. Dès que je vois quelqu'un, hop, je m'arrête. Et on se met à discuter. Soit dans la tête, j'ai déjà les questions, soit j'ai ma feuille avec toutes les questions que j'ai à poser sur la thématique. Et j'apprends. Et à partir du vendredi, je vais à l'antenne et j'essaye de délivrer. Alors vous dites justement 19 ans. 19 c'est ans, ma 19e saison. Ouais. 19e saison. Est-ce qu'au bout d'un certain temps, les personnes qui travaillent dans le paddock, mécaniciens, chefs d'écurie, pilotes, ils oublient un petit peu votre rôle de journaliste, que vous êtes journaliste et ils vous voient différemment ? Alors non, ils savent qu'on est journaliste, mais ils savent aussi la relation qu'on a créée. C'est-à-dire qu'en Formule 1, on est à peu près 600 journalistes du monde entier. J'en ai vu passer beaucoup. Pour l'instant, je suis resté, je touche du bois pour que ça dure, mais j'ai vu des gens se cramer, se griller dans le paddock. C'est-à-dire que pour cette envie furieuse de sortir une info avant les autres, vous imaginez bien qu'à 600 dans le paddock, une info qu'on pense exclusive ne reste pas très longtemps. Donc oui, de temps en temps, vous faites un coup parce que vous annoncez un truc. Sauf que si pour briller 10 minutes sur les réseaux sociaux en étant le premier à sortir une info, vous cramez une source où vous ne respectez pas le off qu'on vous a demandé de respecter, bah vous êtes grillé. Et moi, j'ai vu des gens se griller parce qu'on leur a donné une info en off et qu'ils sont allés balancer tout de suite sur leurs médias. Et bah plus personne ne vous parle après dans le paddock. Moi, aujourd'hui, 19 ans après ou 18 ans après, puisque c'est la 19e saison, tous les gens à qui je parle dans le paddock me parlent, me confient des infos en off, me confient des infos que je peux donner mais sans les citer, me confient des infos que je peux donner en les citant. Il y a différents types d'informations. Mais aujourd'hui, il y a peu d'infos que je n'ai pas en temps et en heure parce que les gens se disent « Non, on lui dit rien, il n'est pas fiable. Je pense avoir fait mes preuves. » Donc, non seulement les gens n'oublient pas que vous êtes journaliste, mais savent quel type de journaliste vous êtes. Et quand un directeur technique, on se met au cul du camion et on discute, et il me dit « Il y a ça. » Il n'a même plus besoin de me dire que c'est du off. Je sais ce qui est du off et je sais ce qui n'en est pas. Mais du off me permet au moins d'aller à l'antenne en ne partant pas dans la mauvaise direction dans ce que je raconte. Ou en commençant à émettre des hypothèses. Peut-être que cette écurie aurait un intérêt dans les mois à venir à engager telle ou telle personne. Bon, bah c'est une façon plus intelligente de commencer commencer à délivrer l'info que dire « Ah, au fait, j'ai appris ça bah, !» Vous êtes cramé, quoi. Un petit peu comme pour... alors, en mémoire, j'ai 2020, quand vous annoncez avant tout le monde, il me semble, l'arrivée de Mick Schumacher chez Haas. C'est une information, vous l'avez révélée en exclusivité. Vous le saviez longtemps avant, vous savez... Non mais bien sûr, on le savait longtemps. Pierre Gasly chez Alpine, on le savait, je le savais bien avant. Mais parce qu'encore une fois, j'ai mon réseau, il s'est tissé, et puis mes liens avec les pilotes eux-mêmes. Donc Fred Vasseur chez Ferrari, je vais pas dire combien de temps avant je le savais parce que ce serait trahir un secret, mais je le savais, on le savait avant. Mais au moins, j'ai pas besoin de briller en disant c'est moi qui ai l'info, c'est moi qui vous ai dit. Je m'en fiche de ça. Ce que je veux, c'est être au courant des choses, comprendre les choses de la F1 et bien les expliquer à nos abonnés. 19e saison, j'imagine, avant chaque Grand Prix, que vous avez un petit rituel, un petit gris-gris, un petit... Alors, j'ai des porte-bonheur sur mon pass F1. J'ai des porte-bonheur sur la table, dans la cabine de commentaires. Et le petit rituel qu'on a avec Jacques, c'est que juste avant qu'on nous donne l'antenne, donc il y a la grille, qui est l'émission avant le Grand Prix, qui dure à peu près une heure. Et juste au moment du Grand Prix, 5 minutes avant, c'est nous qui prenons l'antenne avec Jacques. Donc, il y a un vrai générique. Et c'est nous qui attaquons directement depuis la cabine. Et donc, on est face à la caméra pour la prise d'antenne. Et pendant le générique... déjà on se tape dans la main avec Jacques et avec Alain qui est la personne qui gère la cabine de commentaires techniquement parlant, donc on se tape tous les trois dans la main. Dans l'oreillette, mon chef d'édition Dominique me dit toujours Forza. Voilà, ça c'est le petit rituel. Et je fais en sorte en tout cas de ne pas savoir quelle va être ma première phrase. Je déteste écrire, enfin je déteste, je ne veux, alors on n'écrit rien dans notre métier, il n'y a pas d'écriture au-delà de toutes les infos qu'on récolte, mais on n'écrit pas son texte dans du live, et je ne veux pas savoir ce que je vais dire. Je veux que l'émotion du moment me fasse sortir une première phrase quand on dit bonjour et qu'on accueille nos abonnés. Donc on chamaille beaucoup avec Jacques, et au début ils étaient très flippés en régie à Paris parce qu'ils nous disaient oh 5 secondes 4, 3, et puis on était encore en train de faire des bêtises parce que je voulais être saisi par la première image qu'on allait envoyer et voilà, être naturel au moment de ma première phrase. Parce que souvent justement vous rebondissez quand vous prenez l'antenne sur soit Pauline Sanzé, soit Margot Lafitte, soit Franck Montagny, qui en général font une phrase de fin pour dire bah, c'est à vous, Jacques et Julien, et là tout de suite vous reprenez un peu ce contexte. Bah là il y a une pause. Hein. Et généralement à la fin de la grille, effectivement, que ce soit Pauline, Margot, Laurent, ils renvoient vers le Grand Prix qui va commencer, mais il y a un générique de fin, il y a une petite pause et il y a un générique pour débuter. Donc on a généralement 3 minutes, et pendant ces 3 minutes, ça me permet de choisir une ou deux images qu'on va mettre tout de suite en ouverture du Grand Prix. Et voilà, mais je veux accueillir les gens le plus naturellement possible, donc c'est comme ça que j'ai trouvé ma façon de faire. Et sur votre bureau quand même il y a des notes pour nous donner des infos tout au long du Grand Prix. J'ai un mur, sur le mur de la cabine, je mets plein de pense-bêtes, et, comment on appelle ça, d'anti-sèche on va dire, chiffrés. Moi j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres et en plus je ne veux pas polluer mon esprit avec des chiffres, donc ce qui fait que sur mon mur j'ai plein de chiffres, le classement du championnat, des stats sur les pilotes, des classements, des choses comme ça qui sont des pense-bêtes. Comme ça je libère ma tête de tous ces chiffres. Je les ai là à disposition. Il y en a évidemment qui me viennent immédiatement sur le classement du championnat, des choses, mais les nombres de victoires, les nombres de pôles, ça je les ai. Mais il y a plein d'autres petits chiffres que je veux avoir en sécurité, et ça libère mon esprit pour le commentaire pur et dur. Donc oui, les pense-bêtes, ils sont sur le mur. Toutes les infos que j'ai récoltées, je les ai sur la table avec moi, mais je les ai en tête. À un moment donné, il faut se libérer. On a 10 écrans devant nous à gérer. Donc je préfère me concentrer sur les écrans avec les GPS, l'image de course, les on-board, etc. Pour essayer de faire le meilleur commentaire possible. Quand Pierre Gasly remporte le Grand Prix à Monza, oui. Vous n'aviez pas quand même préparé le chiffre, le nombre d'années séparées entre... Si, absolument. Ça, je ne pouvais pas deviner. Il est toujours prêt ? Là, il n'est pas prêt à l'instant T, mais la manière dont ça s'est passé le jour de la victoire de Pierre, c'est quand on a commencé à comprendre que peut-être il allait pouvoir la remporter, cette course. J'ai demandé donc à Dominique en régie à Paris, donc qui est mon chef d'édition, je lui ai dit retrouve-moi la liste de tous les Français vainqueurs d'un Grand Prix dans l'ordre. Je voulais absolument citer tous les vainqueurs français d'un Grand Prix et les citer dans l'ordre. Donc évidemment, pareil, la plupart, je les ai en tête, mais j'avais surtout la trouille d'en oublier un. Donc c'est pour ça que j'ai dit à Dom, donne-moi la liste et donne-moi dans l'ordre. Donc, de Trintignant à Panis, j'ai eu la liste des pilotes français et à laquelle j'ai rajouté Pierre au moment où il a passé la ligne. Et effectivement, je voulais avoir le chiffre exact qui séparait la victoire d'Olivier Panis en 96 à Monaco de la possible victoire de Pierre ce jour-là. Et donc pendant le commentaire, je suis allé sur un site qui s'appelle Éphéméride et qui permet de calculer l'écart entre deux dates. Si vous tapez sur Google écart entre deux dates, vous allez tomber sur ce site. Et donc il a fallu que je retrouve la date. Donc j'ai dit à Dom en régie, retrouve-moi la date de la victoire, parce que je savais que c'était en mai 96, mais le jour je l'avais plus. Donc il m'a dit, bah, je sais plus quel jour c'était, de mai. Donc j'ai rentré la date du jour de la victoire de Panis à Monaco, j'ai rentré la date du jour de Gassi, et j'ai eu l'écart, 24 ans, je sais plus combien de mois, et voilà. Et du coup, on va rester quand même avec Sébastien Vettel qu'on a entendu dans le premier son, mais on va passer 5 ans plus tard à Hockenheim en 2018. Aïe. Voilà, donc on va d'abord écouter le son et on en reparle juste après. Oh non, Vettel! Incroyable. Sébastien Incroyable. Vettel qui est parti à la pointe! Incroyable. Le leader de la course! Sake. Sorry guys. On a choisi ce moment quand même parce que c'est un tournant du championnat du monde 2018. Et c'est un tournant de sa carrière. Voilà. Même si lui dit que non, c'est un tournant. Bah, il l'a reconnu il y a quelques temps, je crois, dans une interview. Ah, il a fini par dire que c'est. Il a dit qu'il regrette quand même de ne pas avoir freiné plus tôt parce que ça aurait changé beaucoup de choses, parce qu'il vient à Hockenheim avec 8 points d'avance. Ouais, il faut expliquer que la piste a été détrempée par la pluie, qu'effectivement, il joue le championnat pour Ferrari. Et qu'il est en tête de la course et que ce jour-là il peut enfoncer le clou et que malheureusement avec des pneus slick je crois, qu'il a des slicks? Oui c'est des slicks. Mais la piste n'a pas complètement séché et qu'il rentre dans le stadium, ce grand stadium avec des centaines de milliers de personnes qui lui est encore plus mouillé que le reste de la piste et il tire tout droit dans un virage qui n'est pas très rapide, il est arrivé tellement vite, je me souviens d'avoir discuté avec Esteban Ocon en me disant mais c'était impossible que ça passe, il arrivait vraiment trop vite. Bref, petite erreur, énorme conséquence parce que la voiture, elle reste dans le bac à gravier, il abandonne et de là, il revient jamais. Quoi. Et ça change toute la dynamique de la saison parce qu'après, on a chez lui en plus, on a un doublé à Monza en qualif des Ferrari qui ne se convertit pas du tout. C'est Hamilton. Après, il fait une série de 4 victoires sur 5 courses et il finit avec plus de 60 points d'avance sur Vettel. Ouais, non, ça a basculé. Ça a cassé toute la dynamique Ferrari même après, sur les années après. Oui. Après, on peut pas dire que toute la stratégie et la dynamique Ferrari s'est joué à un freinage de Sébastien Vettel ce jour-là. Mais mentalement, pour lui, ça a été tellement dur, c'était horrible. On a vraiment eu de la peine pour lui parce que, au-delà du fait que ce soit quelqu'un de bien, voir un champion, tout le monde commet des erreurs, même les meilleurs commettent des erreurs. Mais celle-ci, elle a des répercussions sur le long terme, quoi. C'est terrible. Et vous, du coup, par rapport à cette saison en tant que commentateur, vous aviez le duel en perspective, on nous le vendait. Et on s'y attendait. Un duel à ce moment-là de deux quadruples champions du monde, c'était magnifique, c'était jamais arrivé. Il y a un peu cette déception en tant que commentateur parce qu'on sait qu'au final, ça. On veut de la bataille, quelles que soient les équipes. Et c'est vrai qu'on sort, on est en pleine domination Mercedes. Et enfin, cette année-là, on se dit Ferrari a pas mal réussi son coup. Vettel est en forme. Bon, ça va pas être à sens unique, quoi, ce championnat. Et on voit à la fois la malchance par la faute qu'il commet de Vettel et la réussite insolente de Mercedes qui, même quand ils sortent de la piste, reviennent, ne cassent pas toute la voiture et s'en sortent et marquent quand même de gros points. Donc, la F1 avait choisi son champion. Une saison assez difficile pour Vettel, une magnifique pour Hamilton. Quelques années après, il y a eu un événement qui a bouleversé le monde entier, c'est le Covid. Est-ce que vous vous souvenez de ce 5 juillet 2020 ? Tant de mois d'attente, de jours, enfin ce premier Grand Prix est arrivé. Il semblerait quand même que la F1 a été le sport qui a le mieux géré cette pandémie, puisque de mémoire, c'est le premier sport, la F1, à avoir repris. Et il y a eu vraiment une effervescence avec l'e-sport, avec les pilotes. Vous l'avez senti dès la première course, malgré qu'il n'y ait pas de public. Oui, il faut, encore une fois, c'était il n'y a pas si longtemps, et je pense qu'on a un peu oublié la situation dans laquelle on était, et la situation de laquelle on était en train de sortir, même si on allait y replonger malheureusement peu de temps après. Mais on venait de vivre un début d'année 2020 surréaliste à l'échelle mondiale, quoi. Surréaliste, tout à l'arrêt, planqué chez nous. C'était un film d'horreur, quoi. Il y avait eu l'épisode de l'Australie aussi. L'épisode de l'Australie, parce que la F1 à la fois a repris la première, mais c'est surtout celle qui a arrêté la dernière quasiment. La NBA avait déjà arrêté, ce qui était sans doute jamais arrivé dans son histoire. Et la F1 dit non, mais nous ça va le faire. Et ça devenait intenable en Australie. Donc on est début mars, ouais, pleine pandémie, enfin on rentre dans la grosse galère quoi. Et la F1 dit non, ça va le faire. La NBA dit non, on ferme tout, on arrête. Et nous on essayait de pousser jusqu'au dernier moment. Et au dernier moment on a dit non, on arrête, tout le monde rentre, on remballe. Bref, donc c'est ce Grand Prix de ce non Grand Prix d'Australie était surréaliste. Et après, donc, toute cette période où, effectivement, pendant le Covid, on a vu les pilotes de F1 beaucoup venir sur les plateformes, notamment sur Twitch, se mettre à jouer à Formula One. Et donc, plein de jeunes ont découvert que les pilotes de Formule 1 de la génération actuelle étaient des jeunes qui, comme vous et nous, se marrent entre potes en faisant une partie de Call of Duty ou de Formula One. Voilà. Donc, ça a donné une image d'eux. Les jeunes se sont dit, ah, mais en fait, c'est des jeunes comme nous. Bon, eux, ils roulent à 350 sur un circuit le dimanche. Mais hormis ça, ils sont comme nous, quoi. Ils ont les mêmes délires, ils s'amusent entre eux comme nous. Donc, ça les a rapprochés, je trouve, du public, les pilotes. Et après, comme vous l'avez dit, la F1 est le premier sport mondial à avoir repris. Et on a quand même réussi à caser 17 Grands Prix cette année-là, une année de 2020 si particulière. Donc ça a aussi beaucoup aidé l'image de la F1, parce que les gens étaient en manque de matière fraîche, d'événements sportifs frais, et je pense qu'ils avaient épuisé toutes les séries de MyCanal et de Netflix, et donc voilà quoi. Et du coup on va passer à quelques mois plus tard, on est le 15 novembre 2020 et c'est une date historique dans l'histoire de la Formule 1. Merci à ceux qui poussent les limites, se dépassent pour nous faire rêver. Lewis Hamilton, champion du monde de Formule 1 pour la 7e fois de sa carrière. Hamilton, vainqueur aujourd'hui. Mercedes, déjà champion du monde des constructeurs. Et Lewis Hamilton, légendaire Lewis Hamilton. Légendaire, c'est le mot qui revient le plus. 94e victoire ce jour-là en Turquie. En Turquie, ouais. Il égale Michael Schumacher. On avait dû attendre presque 50 ans entre Fangio et Schumacher pour que Schumacher égale ce record. Ouais. Et au final, on a dû attendre que 15 ans entre Schumacher et Hamilton. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Lewis Hamilton ? Que c'est une légende de notre sport, de ce sport, que c'est un pilote hors norme, à la fois sur la piste et en dehors. C'est quelqu'un qui a fait exploser les barrières du simple sport F1 pour le faire connaître au-delà des frontières du sport automobile. C'est quelqu'un qui est très engagé sur des causes, sur la diversité. C'est le premier pilote de couleur à réussir à atteindre un tel niveau. Donc c'est une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes, pour différentes communautés, parce qu'il s'engage dans des combats d'égalité, d'insertion. Donc il a largement acquis ce terme de légende, parce qu'une légende c'est quelqu'un qui rayonne au-delà même de ce qu'il fait dans son sport. Et il rejoint en ça des Michael Jordan, des Roger Federer, des immenses sportifs qu'on connaît tous, qu'on suive ou non le sport en question. On sait qui ils sont parce qu'ils rayonnent. Donc Hamilton, il est totalement dans cette catégorie. Un an après, on va avoir un final exceptionnel, contrasté par une énorme polémique. Le dernier virage, Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable. Le croyez-vous, il est champion du monde. Bon, déjà, on est content que vous ayez récupéré votre voix. Moi aussi. Mon ORL était inquiet. Mais cette dernière course, il y a ces derniers tours que beaucoup de monde ont vus. On connaît justement cette polémique. Vous, dans votre tête, avant que ce dernier tour ne débute, c'est clair et net, vous choisissez de commenter l'aspect sportif et non pas de déjà être sur la polémique, parce que peut-être vous savez qu'elle va arriver. Oui, alors il faudrait expliquer qu'on est donc sur le dernier Grand Prix de la saison, que le titre se joue entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, que pendant 97 ou 18% de la course, Hamilton est en tête, et largement en tête, il domine cette course, sauf que tout bascule à quelques tours de l'arrivée, et qu'effectivement la direction de course choisit, après l'intervention de la voiture de sécurité, donc la course est neutralisée, les voitures roulent derrière cette voiture de sécurité, et les conditions, normalement, ne sont pas réunies pour relancer la course. Il va rester un tour et finalement, la direction de course dit « si, si, on relance ». Et de fait, les choix faits par Verstappen de changer de pneu font qu'il se retrouve derrière Hamilton, collé à lui, derrière la voiture de sécurité, et qu'Hamilton, lui, il n'a pas pu changer de pneu, parce que s'il rentrait au stand, Verstappen, lui, ne serait pas rentré et aurait pris la tête de la course. Il a donc choisi de rester en piste, Hamilton, et donc Verstappen a choisi l'inverse. Il a mis des pneus neufs, il a pu ressortir derrière Hamilton. Donc là, il joue plus du tout à armes égales. Et effectivement, dans le dernier tour, Verstappen dépasse Hamilton. Et comme c'était à celui qui finirait devant l'autre, eh bien, c'est Verstappen qui est champion du monde. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je prends le parti de dire « Ok, on a une heure d'émission derrière pour débriefer. » Commente ce qui se passe parce que c'est délirant. Même nous, on comprend pas tout parce que moi, j'essaye de maîtriser au mieux les règlements de la F1, mais ils sont épais, ils sont très pointus et c'est pas le moment. On est en pleine course, donc je sens et je me dis mais c'est pas normal là. Pourquoi ils relancent la course ? Bon, donc je sens bien que quelque chose n'est pas normal, mais ils décident de la relancer. Moi, mon rôle de commentateur, c'est de commenter. Donc je commente l'action et après on va analyser. Donc c'est vrai que sur le moment, c'est fou ce qu'on est en train de vivre. Les images auxquelles on assiste, il y a un tel contraste entre la colère, l'incompréhension chez Mercedes, qui est justifiée, hein, et le délire que ça suscite de voir Verstappen se jeter pour dépasser Hamilton avant même la fin du premier secteur ou à la fin du premier secteur du circuit. Donc il reste encore les deux tiers du tour à faire. Puis c'était tellement, faut bien comprendre qu'on est arrivé à Abu Dhabi avec une tension entre les équipes. Je veux dire, ils se fightaient depuis un moment déjà. Hein. Donc dans le paddock, c'était ultra tendu. Moi, le dimanche midi, pareil, je faisais ce que j'appelle l'épuisette. C'est-à-dire, je traversais le paddock de long en large pour discuter avec les gens. Et j'ai notamment discuté avec des responsables de Mercedes et de Red Bull. Et je voyais la tension dans les deux camps. Je la mesurais. Donc là, on arrive au climax du truc et on vit cette scène-là. Donc elle est folle, mais je ne me voyais pas la commenter autrement, sachant que de toute façon, dans la foulée, on allait pouvoir débriefer et essayer de comprendre pourquoi ça s'était passé comme ça. Et puis on se rappelle vraiment que voilà, la F1 aussi a vraiment tout fait pour mettre ça en avant. Est-ce que votre binôme, Jacques Villeneuve, qui est champion du monde 97, il faut le rappeler, au moment de ce dernier tour, on l'entend juste dire, il n'a pas le droit de zigzaguer de mémoire par rapport à Verstappen, qui veut défendre absolument. Est-ce que après la course, il a tenu un mot justement pour lui, si c'est logique, si après tout fallait laisser le sport ou si pour lui ce n'est pas normal. Honnêtement, je ne me souviens plus de ce qu'a pu dire Jacques, parce qu'en plus Jacques, il nous quitte généralement rapidement à l'arrivée du Grand Prix. Je sais honnêtement, je ne sais plus quelle était la position de Jacques Villeneuve sur la situation, mais bon, de toute façon, la situation, on l'a tous comprise. Et voilà, sur le papier, la course n'a pas été relancée dans les conditions acceptables par tel que le règlement pouvait le dire. Donc voilà, à ce moment-là, on savait qu'on était en train de dériver et qu'on est sans doute ce jour-là allé trop loin dans le côté spectaculaire. Au nom du spectacle, on est allé trop loin et certaines personnes ont pris des décisions qui ont amené la F1 trop loin ce jour-là. Il nous reste quelques minutes, l'émission touche bientôt à sa fin avec vous, Julien Febvre. Dès maintenant, nous allons en débattre et évoquer différents points. J'aimerais avoir votre avis sur l'expansion du calendrier de la F1. Alors c'est un calendrier record cette année, on atteint 23 Grands Prix, donc ça n'est jamais arrivé à ce jour. Il y a une certaine logique, hein. La F1 est de plus en plus connue dans le monde, elle explore de nouveaux territoires sur lesquels elle n'avait pas véritablement vocation à beaucoup plaire, notamment les États-Unis. Il y a quelques années encore, les États-Unis ne s'intéressaient pas à la F1. Aujourd'hui, il y a 3 Grands Prix disputés sur le territoire américain, un qui existe depuis un moment à Austin, un autre qui est tout récent puisque Miami a accueilli son premier Grand Prix l'an dernier et évidemment est toujours au calendrier cette année, et un nouveau qu'on va découvrir en fin d'année, Las Vegas. Il y a déjà eu un Grand Prix à Las Vegas dans les années 80, mais sur un parking d'hôtels et de casinos. Là, ça va être tout autre chose et c'est l'événement que tout le monde attend. Donc il y a un intérêt pour la F1 à l'échelle mondiale. Il y a des pays qui s'intéressent énormément parce que la F1 aujourd'hui vous fait connaître. Il y a des pays comme Bahreïn que personne n'était capable de positionner sur une carte il y a 20 ans. Bahreïn avait besoin de se faire connaître et donc a acquis cher les droits d'accueillir un Grand Prix. Et aujourd'hui, beaucoup de gens savent situer Bahreïn, savent ce qu'est Bahreïn, et voilà, et ça vaut pour d'autres endroits aussi. Donc il n'est pas étonnant, ce calendrier et cette expansion ne me surprend pas parce que c'est un business qui marche aujourd'hui. Liberty Media, qui est propriétaire de la Formule 1, c'est pas une entreprise philanthrope, ils sont là pour faire du business. Et si aujourd'hui il y a des pays qui disent, bah écoutez, nous on est prêts chaque année à vous donner 40 millions pour accueillir le Grand Prix, bah, ils font pas la fine bouche. Donc il y a quand même des règlements qui interdisent de dépasser un certain nombre de grands prix. On touche aux limites. Il semblerait qu'on n'aille pas au-delà de 24 et même 23 semble être le maximum aujourd'hui acceptable. On touche aux limites. Et puis encore une fois, il faut d'un côté effectivement faire connaître la F1 un peu partout dans le monde, mais si on la rend hebdomadaire, la F1, elle va perdre de son charme aussi, parce que il faut que ça reste des événements un peu exceptionnels. Mais est-ce que ça va pas à l'encontre aussi de la volonté un peu plus écologique de rendre les choses un peu plus écologiques, parce qu'on voit bien que le calendrier au niveau géographique n'a pas tellement de sens. Oui. On peut passer d'un Grand Prix en Australie jusqu'aux États-Unis pour aller au Brésil, pour ensuite aller au Japon. Il n'y a pas une certaine logique. Donc il n'y a pas de logique aujourd'hui. Enfin si, il y a une logique commerciale, c'est-à-dire la logique veut que on ne mette pas de Grand Prix trop près l'un de l'autre d'affilée, parce que vous risquez de perdre une partie de votre audience sur place. C'est du public dans les tribunes. Donc, accoler deux grands prix voisins à une semaine d'intervalle, c'est un peu compliqué. Pour autant, il semblerait que Liberty Media soit vraiment en train de travailler sur un calendrier un peu plus intelligent en termes de déplacement pour effectivement éviter ces grands couloirs aériens et ces grandes distances effectuées par la caravane de la F1. On parle souvent justement des pilotes, des équipes, des mécaniciens où c'est très compliqué pour eux de faire tous ces allers-retours. Vous, en tant que journaliste, avec toute votre équipe, ça doit pas être simple non plus. Il y a des contraintes, mais honnêtement, il serait très malvenu de se plaindre de quoi que ce soit. Non, mais voilà, je fais toujours très attention à ça, parce que moi, je vis mon rêve absolu, et mes camarades aussi, de travailler sur la F1. Donc, venir vous voir aujourd'hui et vous dire « Ah ouais, mais c'est fatigant quand même, tous ces voyages », vous seriez totalement en droit de me dire « Hey, tais-toi, franchement, tais-toi, parce que là, tu nous énerves. » Donc, oui, c'est vrai que c'est fatigant physiquement, parce que aussi passionné, je reste aussi passionné qu'au premier jour quand je suis rentré au Studec, aussi passionné que je sois, physiquement, à un moment donné, le corps lui s'en fiche de ta passion et il dit attends, tu viens de me mettre un décalage dans un sens horaire de plus 10 heures, on repart de l'autre côté à moins 6 heures. Le corps il dit oh là là, c'est dur. Mais honnêtement, ce qu'on fait est tellement privilégié, c'est tellement ce que j'ai rêvé de faire, que je m'en fiche totalement. D'ailleurs, je remplis mon agenda de manière surchargée, parce que ce que je vis actuellement, je ne veux pas en rater une miette. Donc là où je pourrais par moment me reposer un peu entre deux grands prix, je préfère aller faire de la course automobile, je préfère aller visiter une usine de F1 pour apprendre encore des choses, parce que je m'éclate tellement dans ce que je fais. Donc physiquement, oui, on finit les saisons rincés, mais ça en vaut tellement la peine qu'il n'y a aucun problème, quoi. Les pronostics, on sait que vous aimez pas trop ça, mais Alonso, champion du monde, ça vous étonne? Enfin, triple champion du monde même. Oui, parce qu'il est déjà deux fois champion du monde. Je pense pas qu'il sera champion du monde cette année, mais je pense qu'il tient peut-être les clés du spectacle de la saison, Fernando Alonso. Il vient de signer dans une écurie qui s'appelle Aston Martin, qui était, pour grossir le trait, qui était nulle part l'an dernier, très loin, dans les bas-fonds du classement, et qui l'a à l'heure actuelle est la peut-être deuxième meilleure écurie juste derrière Red Bull. Et donc quand vous avez un Fernando Alonso au volant qui est déchaîné, déterminé, je pense qu'on va, entre autres grâce à lui, vivre une très belle saison. Red Bull, c'est déjà fait ? C'est déjà plié, les titres ? Alors ça, ce serait la facilité de dire ça. Oui, ils ont beaucoup d'avance. Un peu provocateur, surtout. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, ils ont une avance importante en termes de performance de leur monoplace. Ils ont dans leur rang Max Verstappen, qui est un prodige. Donc, c'est pas étonnant de les voir dominer. Maintenant, il y a 23 courses à disputer. C'est long. Tout le monde ne va pas dormir et les laisser faire comme ça. Donc, oui, ils ont de l'avance. Donc, logiquement, ils sont les favoris à leur propre succession pour ce qui est des titres mondiaux, mais tout va pas se dérouler aussi facilement pour eux cette saison, j'en suis certain. Et on aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. Et ben on fera une émission. Et une toute dernière d'abord. Oui. Cette dernière question, alors on a parlé beaucoup F1, on va passer sur un événement qui a marqué 2022 en France. Oui. Le GP Explorer, vous y étiez l'an dernier, vous avez été invité, oui, mais vous n'avez pas commenté. Non. Est-ce que cette année, est-ce que ça vous intéresserait en tout cas ? Faut déjà voir à quel moment ça va avoir lieu, mais honnêtement non. Je sais pas que j'aurais pas envie de le commenter. Ça doit être génial, mais ceux qui l'ont fait l'ont très bien fait. Je pense à mon copain Yannou notamment, et du coup voilà, ils ont été très bons. Donc pourquoi aller marcher sur leur plate-bande. Et en plus, j'ai tellement envie de profiter de l'événement, parce que moi, j'y suis allé en spectateur. Alors, j'avais la chance d'être invité, donc de le vivre un peu de l'intérieur, mais en spectateur. Et ça fait tellement du bien de profiter ce week-end-là, de ne pas être aux commentaires, de ne pas avoir à travailler, même si évidemment j'ai pas pu m'empêcher d'aller poser des milliards de questions aux pilotes, savoir comment ils étaient, dans quel état d'esprit, leur mécano, savoir comment le pilote s'était comporté avant. Enfin, évidemment que j'ai gratté plein d'infos, mais pour mon plaisir. Là, c'était vraiment pour le plaisir. Donc, c'était un week-end de Grand Prix. Et c'était pendant un week-end de Grand Prix, mais qu'on commentait depuis Paris. Donc, du coup, j'ai fait le trajet à l'heure où j'aurais dû dormir, puisque c'était le Grand Prix du Japon. J'ai préféré aller au Mans regarder ça que de dormir. Donc, mais ouais, c'était tellement sympa à voir que j'y retournerai en spectateur avec grand plaisir. C'était une super ambiance, très très bonne ambiance. Et on vous voit justement beaucoup avec des streamers, donc Yannou, le Bouzeux et tout ça. Et est-ce que vous avez des projets sur Twitch en plus que vous aimeriez faire, parce qu'on voit que vous êtes très présent avec Canal, vous faites des débriefs et tout ça. Ouais. Mais est-ce que cette année, vous avez envie d'avoir plus de présence sur Twitch ? Alors sur Twitch, oui, on va continuer effectivement sur la chaîne Twitch Canal Plus Sport à faire effectivement des previews, des débriefs, interagir avec le chat qui a toujours beaucoup de questions à poser sur la F1. On réfléchit à différents formats qui se prêteraient. Alors à Twitch, oui, et aussi sur le digital en général. Moi, j'ai fait une série qui s'appelle Road to Monza l'année dernière, où j'ai essayé une Formule 1 qu'on avait d'abord dévouée au digital et qui était dédiée à une diffusion sur le digital dans un premier temps. J'ai des projets pour les plateformes digitales en cours. Je ne peux pas encore vous en dire beaucoup plus, mais voilà, dans la veine de Road to Monza, je devrais revivre une expérience assez folle cette année et qu'on va d'abord destiner aux plateformes. Voilà. On a hâte de la voir en tout cas. L'émission arrive à sa fin. Merci beaucoup, Julien. Une toute petite dernière question, est-ce que vous avez encore des projets dans les mois, dans les années à venir ? J'en ai plein des projets. J'ai un énorme projet que je n'arrive pas à mettre en place depuis l'équipe. Je rêvais de le faire à l'équipe et je pense que je vais y arriver à Canal. mais ça demande tellement d'investissement, je ne parle pas financier, mais d'engagement de plein de parties différentes. Mais le jour où je vais y arriver, ça va vraiment être canon. Donc là, j'y travaille beaucoup en ce moment. Merci beaucoup, Julien Febro, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'émission sur Cdec Web. Merci.